Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Premier épisode. Je viens de rentrer d'une visite à mon propriétaire, l'unique voisin dont j'aurai à me soucier. Quel magnifique pays, vraiment. Je ne crois pas que j'aurais pu fixer mon choix dans toute l'Angleterre sur un site qui fut aussi complètement à l'écart de l'agitation mondaine. C'est un vrai paradis de misanthropes. Et Mr. Heathcliff et moi sommes bien désignés pour nous partager ce désert. Quel homme admirable. Il était loin d'imaginer quel élan de sympathie j'ai eu pour lui quand j'ai vu ses yeux noirs se retirer avec tant de suspicion sous leurs sourcils au moment où j'ai arrêté ma monture devant chez lui. Mr. Heathcliff ? Lui-même. Je suis Mr. Lockwood, monsieur, votre nouveau locataire. J'ai considéré comme un honneur de vous rendre visite aussitôt que possible après mon arrivée. J'espère ne pas vous avoir importuné par mon insistance à vouloir occuper le manoir de la Grive. J'ai appris hier que vous aviez songé... Le manoir de la Grive est à moi. Je ne me laisse importuner par personne si je puis faire autrement. Entrez. Joseph, prends le cheval de Mr. Lockwood et apporte du vin. Merci. Dieu nous assiste. Wuthering Heights, les Hauts de Hurlevent, est le nom que porte l'habitation de Mr. Heathcliff. Wuthering est un terme local qui décrit le tumulte atmosphérique auquel le site est exposé quand souffle la rafale. Nous franchîmes le seuil et nous entrâmes dans la salle familiale sans aucun couloir ou vestibule qui servit d'entrée. Au-dessus de la cheminée étaient suspendus de vieux fusils patibulaires ainsi qu'une paire de pistolets d'arçon. Les chaises à haut dossier, de forme primitive, étaient tapies dans l'ombre. Sous le buffet arqué reposait une énorme chienne, entourée d'un essaim de chiots géniards. Et d'autres chiens hantaient d'autres recoins. La pièce et le mobilier n'auraient rien eu d'extraordinaire s'ils avaient appartenu à un brave fermier du Nord, à la physionomie têtue et aux membres robustes. Mais Mr. Heathcliff forme un singulier contraste avec sa demeure et son style de vie. Il a la mine d'un gitan au teint basané, avec la mise et les manières d'un homme distingué. Peut-être est-il un peu négligé, mais cela ne lui messied pas, car il se tient droit et à belle prestance. Enfin, il est passablement morose. Certains pourraient peut-être le soupçonner d'avoir un orgueil de mauvais aloi, mais je sais d'instinct que sa réserve provient d'une aversion pour les étalages de sentiments. Non, je vais trop vite. Je lui prête trop librement mes propres attributs. Mr. Heathcliff peut avoir des raisons toutes différentes de celles qui me font agir. Je pris un siège au coin de l'âtre, opposé à celui vers lequel s'avançait mon propriétaire et, gentil. Pour occuper le silence, je voulus caresser la mère chienne qui avait quitté sa progéniture et qui tournait comme une louve autour de mes mollets, les babines retroussées, ses dents blanches avides de happé. Allez, coupe les genoux. Allez, oh. Ferait mieux de laisser cette chienne tranquille. Elle n'est pas habituée à être gâtée. Ce n'est pas une chienne d'agrément. Joseph ! Alors, ce vin ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore ? Non, non. Couchez, gentil. Non ! Heathcliff ! Remontez ! À l'aide ! Quelqu'un ! Qu'est-ce qui se passe ? Couchez les chiens ! Là, c'est pas possible ! Couchez ! Allez, tiens, sors ! L'ouvrier, arrête ! Tiens, prends ça ! Allez, je m'en laisse le ! À ta place ! Là, allez ! monsieur. Merci, grâce à vous. Que diable se passe-t-il? Que diable, en effet. Le troupeau possédé du démon n'a pu avoir de pires instincts que vos animaux, monsieur. Autant laisser un étranger avec une portée de tigre. N'inquiète pas les gens qui ne touchent à rien. Les chiens font bien d'être vigilants. Pas de morsure, n'est-ce pas? Si j'avais été mordu, j'aurais laissé ma trace sur le coupable. Allons, vous êtes énervé, Mr. Lockwood. Tenez. Allez, un peu de vin. Les visiteurs sont d'une telle rareté dans cette maison que mes chiens et moi, nous ne savons guère les recevoir. À votre santé, monsieur. À votre santé. Je commençais à sentir qu'il serait absurde de persister à bouder à cause de l'inconduite d'une meute de roquets. Mr. Heathcliff se départit un peu de son style laconique et entama un discours sur les avantages et les inconvénients de mon présent lieu de retraite. Je le trouvais fort averti des questions auxquelles nous touchâmes. Et avant de rentrer chez moi, j'allais jusqu'à proposer de renouveler ma visite le lendemain. De toute évidence, il ne désirait pas voir mon intrusion se répéter. J'irai néanmoins. C'est étonnant comme je me sens sociable par comparaison avec lui. Hier, l'après-midi s'est annoncé brumeux et froid. J'avais presque envie de le passer au coin du feu, dans mon bureau, au lieu de patauger à travers la lande boueuse jusqu'à Hurlevent. Je pris toutefois mon chapeau, et après une marche de 4 000, j'atteignis la barrière du jardin de Heathcliff, juste à temps pour échapper aux premiers flocons dufteux d'une rafale de neige. Sur cette crête glaciale, la terre était durcie par une gelée noire, et la froidure de l'air me fit trembler de tous mes membres. Y a quelqu'un? Oh! Oh, y a quelqu'un? Oh! Après quoi vous en avez? Mettre son étalé à la bargerie! Pour faire le tour! Par le bout de l'armée, si c'est que vous voulez louer! Y a-t-il personne à l'intérieur pour ouvrir la porte? Un nenni, personne d'autre que la maîtresse! Elle ouvrira point! Oh ben même feriez votre boucan d'enfer jusqu'au soir. Ne pouvez-vous lui dire qui je suis? Hein, Joseph? Oh, Nenny, je peux m'en mêler. Moi. La neige commençait à tomber dru. Je saisissais la poignée pour faire une nouvelle tentative, quand un jeune homme sans veste et qui portait une fourche sur l'épaule apparut derrière moi dans la cour. Suivez-moi. Après avoir traversé une buanderie, puis une courette pavée contenant un hangar à charbon, une pompe et un pigeonnier, nous arrivâmes enfin dans l'énorme salle où l'on m'avait reçu précédemment. Et près de la table, mise pour un copieux repas du soir, je fus ravi de voir la maîtresse, personne dont jusqu'alors je n'avais pas soupçonné l'existence. Rude temps. Je crains, Mrs. Heathcliff, que la porte n'ait à souffrir du service nonchalant de vos domestiques. J'ai eu bien du mal à me faire entendre d'eux. Asseyez-vous. On sera bientôt rentré. Viens là, Junon. C'est ça. Là. Tu me reconnais, hein? La brave chienne. Superbe bête. Avez-vous l'intention de vous séparer des petits, madame? Ils sont pas à moi. Vos favoris sont peut-être parmi ces chatons là-bas. L'étrange chouette favori. Ce sont des lapins morts. Quel rude temps, vraiment. Vous n'auriez pas dû sortir. Jusqu'à présent, la jeune femme avait été abritée de la lumière. Maintenant, je distinguais avec netteté l'ensemble de sa silhouette et de son visage. Elle était svelte, à peine sortie de l'adolescence, semblait-il, avec un corps admirable et le plus exquis petit visage que j'ai jamais eu le plaisir de contempler. Des traits fins, très réguliers, des boucles dorées pendant librement sur son cou délicat, et des yeux qui, s'ils avaient eu une expression agréable, auraient été irrésistibles. Heureusement pour mon cœur vulnérable, le seul sentiment qu'il trahissait oscillait entre le dédain et une sorte de farouche désespérance, qu'il paraissait singulièrement étrange de trouver là. Vous a-t-on invité pour le thé ? J'en prendrai volontiers une tasse. Vous a-t-on invité ? Non. Mais n'êtes-vous pas toutes désignées pour cela ? Elle laissa tomber la théière et la cuillère et se rassit d'un air boudeur. Cependant, le jeune homme avait jeté sur sa personne une veste râpée et, se dressant devant la flamme, me regardait du coin de l'œil, d'une manière qui semblait impliquer qu'une querelle mortelle restait à vider entre nous. Je commençais à me demander si c'était ou non un domestique. Ah, Mr. Heathcliff. Vous le voyez, je suis venu comme je l'avais promis. Je crains que les intempéries ne me retiennent chez vous pour une demi-heure encore. Si vous pouvez me donner abri pendant ce laps de temps. Une demi-heure. Je m'étonne que vous ayez choisi le plus fort d'une tempête de neige pour vagabonder. Savez-vous que vous courez le risque de vous perdre dans les marais ? Les gens qui connaissent bien ces landes s'égarent souvent par de pareils soirs. Peut-être trouverai-je un guide parmi vos gens. Pouvez-vous m'en prêter un ? Non. Je ne puis. Ah, vraiment. Eh bien alors, je devrais m'en rapporter à ma propre sagacité. Allez-vous le servir, le thé ? En prendra-t-il, lui ? Servez-le, voulez-vous ? Nous prîmes tous place, y compris le jeune rustre, autour de la table, et nous attaquâmes notre repas dans un silence austère. Je me dis que si c'était moi qui avais amassé ce nuage, il m'incombait de chercher à le dissiper. Il n'était pas possible que ces gens fussent tous les jours aussi renfrognés et aussi taciturnes, que, si mauvais caractère qu'ils eussent, cet air de maussaderie unanime fût leur mine quotidienne. Il est étrange de voir combien l'habitude peut façonner nos goûts et nos idées. Bien des gens ne sauraient concevoir qu'on puisse trouver le bonheur en menant une vie aussi complètement retirée du monde, Mr. Heathcliff. Pourtant, j'ose dire qu'entouré de votre famille, avec votre aimable épouse pour génie tutélaire de votre foyer et de votre cœur, vous êtes... Mon aimable épouse. Où est-elle, mon aimable épouse ? C'est Mrs. Heathcliff, votre femme, que je veux dire. Ah oui. Oui, vous donnez à entendre que son esprit joue le rôle d'ange gardien et veille sur le sort de Hurlevent, même une fois que son corps s'en est allé. C'est ça ? Mrs. Heathcliff est ma belle-fille. Tout en parlant, il tourna dans sa direction un regard chargé de haine. Ah ! Certainement. Je vois à présent. C'est donc vous, jeune homme, qui êtes l'heureux possesseur de cette fée bienfaisante. Vous n'êtes pas chanceux dans vos conjectures, monsieur. Ni lui ni moi n'avons le privilège de posséder votre bonne fée. Son époux est mort. J'ai dit qu'elle était ma belle-fille. Il faut donc qu'elle ait épousé mon fils. Et ce jeune homme... n'est pas mon fils. Assurément. Mon nom est Ayrton Earnshaw, et je vous conseille de le respecter. Je commençais à sentir que, de toute évidence, je n'étais pas à ma place dans ce charmant cercle de famille. L'affaire du repas terminée, et comme personne n'articulait un mot de conversation sociable, je m'approchai d'une fenêtre pour examiner le temps. C'est un affligeant spectacle qui s'offrit à moi. Une nuit obscure tombant prématurément, et le ciel et les collines qui se confondaient dans un violent tourbillon de vent et de neige. À présent, je ne crois pas qu'il me soit possible de rentrer chez moi sans guide. Les routes doivent être déjà enfouies sous la neige. Et même si elles étaient à découvert, je verrais à peine un pied devant moi. Ayrton. Ouais. Mène-moi cette douzaine de moutons sous le porche de la grange. Ils vont être couverts de neige si on les laisse dans le parc toute la nuit. J'y vais. Que faire? Que faire? Ma question ne reçut pas de réponse. Quand je jetai les yeux autour de moi, je vis seulement Joseph qui apportait un seau de bouillie d'avoine pour les chiens, et Mrs. Heathcliff penchée sur le feu, qui s'amusait à faire brûler un paquet d'allumettes. Mrs. Heathcliff, veuillez m'excuser de vous importuner. Si j'ai cette audace, c'est qu'avec un pareil visage, vous ne pouvez manquer, j'en suis sûr, d'avoir bon cœur. Indiquez-moi, je vous en prie, quelques repères qui me permettront de retrouver ma route pour rentrer chez moi. Prenez la route par laquelle vous êtes venu. Ainsi donc, si vous entendez dire qu'on a découvert mon cadavre dans une fondrière ou dans une fosse pleine de neige, votre conscience ne vous soufflera pas que c'est en partie votre faute? Ne pouvez-vous pas persuader Mr. Heathcliff de me donner un guide? Un guide? Quel guide? Il n'y a ici que lui, Earnshaw, Zilla, Joseph et moi. N'y a-t-il pas de garçon à la ferme? Non, il n'y a personne d'autre. Dans ces conditions, je suis contraint de rester. J'espère que cela vous apprendra à ne plus entreprendre des randonnées à la légère sur les collines. Quant à rester ici, je ne suis pas préparé à loger les visiteurs. Vous devrez partager le lit de Ayrton ou de Joseph si vous vous y décidez. Je puis passer la nuit sur un siège dans cette pièce? Non. Non. Un étranger est un étranger, qu'il soit riche ou pauvre. Il ne me convient pas de laisser à quiconque la libre disposition des lieux quand je ne suis pas sur mes gardes. Oh. J'irai avec lui jusqu'au parc. Tu iras avec lui en enfer, Ayrton. Qui donc s'occupera des chevaux, alors? La vie d'un homme est de plus de conséquences que le fait de négliger les chevaux pour un soir. Il faut que quelqu'un y aille. Pas sur votre ordre. Si vous vous intéressez à lui, vous feriez mieux de vous tenir tranquille. Alors j'espère que son spectre vous hantera. Et j'espère que Mr. Heathcliff n'aura jamais d'autre locataire jusqu'au jour où le manoir sera en ruine. Écoutez, écoutez, la voilà qui est maudit maintenant. Donnez-moi cette lanterne, Joseph. Je vous la renverrai demain. Deux monstres velus me sautèrent à la gorge, me renversant et éteignant la lanterne. Par bonheur, les bêtes semblaient plus enclines à bâiller et à agiter la queue qu'à me dévorer tout vif. Mais elles ne souffraient pas que je ressuscitasse. Et je fus forcé de rester étendu jusqu'à ce qu'il plût à leur maître pervers de me délivrer. Laissez-moi partir! Je ne réponds plus de moi! Allez! Si, si! Vous vous saignez du nez, monsieur? Allons-nous assassiner les gens au seuil de notre porte? Je vois bien que cette maison n'est pas faite pour moi. Regardez le pauvre homme. Il étouffe pour de bon. Venez, monsieur. Je vais vous soigner, ça. Allons, calme. Donnez-lui un verre d'eau de vie, Zilla. Conduisez-le en haut. Quiconque. Mais pour quelle raison? Ah ça, monsieur, j'en sais rien. J'habite là que depuis un an. Il vaut mieux pas commencer à être trop curieuse. Trop hébété pour être curieux moi-même, je verrouillais ma porte et cherchais le lit des yeux autour de moi. C'était une singulière espèce de couche à l'ancienne mode. En fait, cela formait un petit cabinet et le rebord d'une fenêtre qui s'y trouvait enclose servait de table. Je fis glisser les panneaux latéraux, entrai avec ma lumière, les refermai et me sentis à l'abri de la vigilance de Heathcliff aussi bien que de quiconque. Le rebord où je plaçais ma chandelle portait quelques livres moisis, empilés dans un coin, et des inscriptions qu'on avait faites en grattant la peinture. Ces inscriptions, toutefois, ne faisaient que répéter le même nom, en toutes sortes de caractères, grands et petits. Catherine Earnshaw. Ça et là changé en Catherine Heathcliff, puis en Catherine Linton. Heathcliff. Linton. Je m'endormis et me mis à rêver presque avant d'avoir perdu conscience de l'endroit où je me trouvais. J'étais couché dans le cabinet de chêne et j'entendais distinctement les rafales de vent et de neige. J'entendais aussi une branche de sapin cogner contre les carreaux. Tirait son poignet sur la vitre brisée et l'y frottait jusqu'à ce que le sang coulât et inonda les draps du lit. Qui êtes-vous? Lâchez-moi! Laissez-moi, honte. Fou de terreur, il vous sent. Je me hâtais d'empiler les livres pour obstruer la fenêtre. Je ne vous laisserai jamais rentrer. Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Quand bien même vous me supplieriez pendant 20 ans. Il y a 20 ans. 20 ans que j'ai abandonné. Avec votre visiteur, monsieur. J'ai eu le malheur de hurler dans mon sommeil sous l'empire d'un horrible cauchemar. Je suis au regret de vous avoir dérangé. Oh, Dieu vous confonde, Mister Lockwood. Je voudrais vous voir au diable. Qui donc vous a introduit dans cette chambre? Qui? Votre servante, Zilla. Je suppose qu'elle a voulu se procurer à mes dépens une nouvelle preuve que la pièce est hantée. Eh bien, elle l'est. Elle grouille de fantômes. Que voulez-vous dire? Si la petite démone était entrée par la fenêtre, il est probable qu'elle m'aurait étranglé. La perverse petite âme. Elle m'a dit qu'elle errait sur la terre depuis 20 ans. Par un juste châtiment des péchés commis de son vivant, je n'en doute pas. Que pouvez-vous avoir dans la tête en me parlant de la sorte? À moi? Comment osez-vous? Sous mon toit! Heathcliff s'affala sous le couvert du lit, où il resta assis, presque caché à ma vue. Je devinais pourtant à sa respiration entrecoupée, irrégulière, qu'il luttait contre une violente émotion. Et au mouvement que fit l'ombre de son bras, je crus voir qu'il essuyait une larme. Mister Lockwood, vous pouvez aller dans ma chambre. Vous ne ferez que gêner si vous descendez de si bonne heure. Et vos clapissements puérils ont envoyé le sommeil au diable en ce qui me concerne. Pour moi aussi. Je vais me promener dans la cour jusqu'à l'aube, puis je m'en irai. Vous n'avez pas à craindre que je renouvelle mon intrusion. Je suis tout à fait guéri maintenant de songer à chercher de l'agrément dans la compagnie de mes semblables. Prenez la chandelle et allez où il vous plaira. Je vous rejoins dans un instant. Je quittai la chambre, mais ne sachant où menaient les trois couloirs, je m'arrêtai et fus témoin involontairement d'un superstitieux manège de mon propriétaire, qui démentait étrangement son bon sens apparent. Viens ! Une fois encore ! Oh ! Chérie de mon cœur ! Catrice ! Entends-moi ! Il y avait une telle angoisse dans l'explosion de douleur qui accompagnait ce délire, que la compassion me fit oublier sa folie. Et je m'éloignai, regrettant d'avoir raconté mon ridicule cauchemar dès lors qu'il avait provoqué ce chagrin. Encore que je fusse incapable de comprendre pourquoi. À la première lueur de l'aube, je m'échappai enfin à l'air libre, maintenant clair, calme et froid comme une glace impalpable. Les Hauts de Hurlevent, d'Emily Brontë. Traduction Pierre Léris. Adaptation Juliette Eman. Premier épisode. Avec Guillaume Durieux, Iscliff, Laurent Cléry, Lockwood, Leslie Menu, Catherine, Jean-Claude Frissong, Joseph, Amélie Jalliet, Zila, Sylvien de Guillaume, Ayrton, Audrey Bonnet, Cathy. Et les voix de Mathilde Choisy, Morgane Hainaut, Serge Roumi, Paul Noyer et Damien Pézan. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Bruitage Sophie Bissens. Musique originale et piano Denis Chouillet. Violoncelle Elena Andreyev. Prise de son, montage et mixage, Antoine Vieussa, Bernard Laniel et Élise Leu. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Juliette Eman. Hurlevent Démon est publié aux éditions Flammarion.